on est rendu au point où le cheikh il explique certains principes qui sont vraiment importants pour la personne qui recherche la connaissance de l'islam. Donc, on commence. Bismillah, alhamdulillah, as-salatu wa salam ala rasulillah. Le cheikh dit, al-amr al-ashir, التمسك بالكتاب والسنة يجب على طلبة العلم الحرص التام على تلقي العلم والأخذ من أصوله التي لا فلاح لطالب العلم إلا أن يبدأ بها وهي القرآن الكريم فإنه يجب على طالب العلم الحرص عليه قراءة وحفظا وفهما وعملا به فإن القرآن هو حبل الله المتين وهو أساس العلوم وقد كان السلف يحرصون عليه غاية الحرص فيذكر عنهم الشيء العجيب من حرصهم على القرآن فتجد أحدهم حفظ القرآن وعمره 7 سنوات وبعضهم حفظ القرآن في أقل من شهر وفي هذا دلالة على حرص السلف رضوان الله عليهم على القرآن فيجب على طالب العلم الحرص عليه وحفظه على يد أحد المعلمين لأن القرآن يؤخذ عن طريق التلقي. Donc le cheikh dit le dixième point qu'on doit respecter c'est de s'accrocher fermement au Coran et à la Sunna. Donc le cheikh dit il est obligatoire pour la personne qui recherche le savoir d'insister et d'insister sur de prendre la science de ses bases. Et puis, il ne peut pas y avoir de succès pour quelqu'un qui recherche le savoir sauf s'il commence par ses bases. Ses bases de quoi? C'est le Coran et la Sunna. Donc ça c'est les bases sur lesquelles la personne qui recherche le savoir doit commencer à chercher la connaissance. Parce que c'est la source et c'est le fondement de toute la connaissance islamique. Et le chef, il explique en premier que le Coran, il est obligatoire à la personne qui recherche le savoir de le lire, de le mémoriser, de le comprendre et de l'appliquer dans sa vie. Parce que, comme Allah SWT l'a appelé dans le Coran, c'est la corde d'Allah, la corde ferme d'Allah SWT. Et c'est le fondement de toutes les sciences. Et les salafs, quand on dit as-salaf, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les prédécesseurs, ceux qui étaient là avant nous. Donc, les premiers musulmans, ceux qui sont, on va dire, il y avait les sahaba, après quand les sahaba sont morts, il y avait ceux qui parlaient d'eux. Quand ils parlaient de sahaba, ils disaient non salaf. C'est-à-dire nos prédécesseurs, ceux qui étaient là avant nous, ils se référaient à eux comme étant leurs salafs, leurs prédécesseurs. Donc nous, pour nous aussi, quand on dit les salafs, on se réfère aux sahaba, aux tabi'in, et à ceux qui vivaient dans les premiers temps de l'islam. Donc il dit, il y avait parmi les salafs des exemples de gens qui étaient qui recherchaient à comprendre et à connaître et à mémoriser le Coran. Il y a tellement des exemples extraordinaires dans leur vie, comment ils étaient vraiment persévérants et ils existaient beaucoup pour apprendre le Coran. Alors, par exemple, on rapporte qu'il y en a qui ont réussi même à mémoriser le Coran à l'âge de 7 ans. À 7 ans, ils avaient déjà mémorisé le Coran. D'autres ont mémorisé le Coran en moins d'un mois. Tout le Coran est complet en un mois. Donc on voit qu'ils étaient tellement sérieux dans leur recherche de la connaissance et à vouloir apprendre le Coran qu'ils mettaient tous leurs efforts dans ça. On dit que même... Il a donné des exemples. Donc le chef il dit, donc il est obligatoire pour nous de le mémoriser. Et la façon dont on doit mémoriser le Coran, en fait, c'est avec un professeur. Ici, c'est qu'on fait, on mémorise souvent avec le mushaf. On prend le Coran et on mémorise tout seul. Mais la vraie manière pour apprendre le Coran, c'est avec un professeur. C'est la meilleure façon parce que le professeur, c'est lui qui va pouvoir nous corriger quand on se trompe, quand on fait des erreurs. Un professeur qui connaît bien le Coran, c'est de cette manière-là qu'on devrait tous essayer de mémoriser le Coran. Mais dans un pays comme ici, des fois, c'est pas facile de trouver un bon professeur. Alors, dans ce cas-là, on fait son possible. On essaie de l'apprendre par soi-même avec les cassettes, avec l'imam. Des fois, on peut aller voir l'imam, on lui demande de nous aider, etc., des choses comme ça. Donc, le chef, il dit après, « وَإِنَّهُ مِمَّا يُؤْسِكُ لَهُ يستخ له أن تجد بعض طلبة العلم لا يحفظ القرآن بل بعضهم لا يحسن القراءة وهذا خلل كبير في منهج طلب العلم لذلك أكرر أنه يجب على طلبة العلم الحرص على حفظ القرآن والعمل به والدعوة إليه وفهمه فهما مطابقا لفهم السلف الصالح دونك الشيخ الزي عندي شوف يتخف de voir que beaucoup des gens qui recherchent le savoir de la religion, ils ne mémorisent pas le Coran. Et il dit, certains d'entre eux, ils ne peuvent même pas le lire correctement. Il dit, et ça c'est quelque chose qui est défaillant dans leur méthodologie d'apprentissage. Parce que c'est pas logique d'être une personne qui recherche le savoir et en même temps, d'avoir une négligence envers le livre d'Allah. Et donc, le chef, il dit, je répète encore une fois, qu'il est obligatoire aux gens qui recherchent le savoir de faire preuve de beaucoup de motivation pour mémoriser le Coran et de l'appliquer, et de le comprendre à la façon des premiers musulmans qui étaient sur le droit chemin. Ensuite, le chef, il dit, le deuxième point de la sunnah sahiha, فهي ثاني المصدرين للشريعة الإسلامية وهي الموضحة للقرآن الكريم فيجب على طالب العلم الجمع بينهما والحرص عليهما وعلى طالب العلم حفظ السنة إما بحفظ نصوص الأحاديث أو بدراسة أسانيدها ومتونها وتمييز الصحيح من الضعيف وكذلك يكون حفظ السنة بالدفاع عنها والرد على شبهات أهل البدع في السنة فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة وهما له أي طالب العلم كالجناحين للطائر فإذا انكسر أحدهما لم يضر شيخ الزيك إلى دزم بعض لسنة أوتنتيك. Et il dit, c'est la deuxième des fondements de la charia, des sources de la législation islamique. Hein? Et c'est celle qui clarifie le Coran. C'est la sunna qui clarifie et qui explique le Coran. Alors, c'est obligatoire pour la personne qui recherche le savoir de rassembler entre le Coran et la sunna, c'est-à-dire de les prendre tous les deux ensemble. Et d'avoir beaucoup de motivation pour les étudier tous les deux. Et le chef il dit, et la personne qui recherche le savoir doit aussi essayer de mémoriser la sunna. Soit il mémorise le texte des hadiths, ou en même temps il étudie les chaînes de narrateurs et les textes des hadiths, et tout ce qui se rapporte à la science du hadith en général, pour essayer de connaître entre le hadith authentique et le hadith qui est faible. Parce que ce n'est pas tous les hadiths, bien entendu, qui sont authentiques. Il y en a qui sont authentiques, il y en a qui sont faibles. Donc, il faut être capable de savoir la différence entre les deux pour ne pas mélanger des choses qui ne sont pas dans la charia. Parce que les hadiths qui sont faibles, ce n'est pas une preuve dans la charia. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser les hadiths faibles comme une référence dans la législation islamique. Donc, le chef, il dit, la personne qui recherche la science, il doit suivre le Coran et la Sunna authentique. Et ces deux-là, c'est comme les deux ailes de l'oiseau. Si un des deux est cassé, mais il ne peut pas voler. Donc, il ne peut pas aller sans soit le Coran ou la Sunna. Après, le chef dit, وَلِذَلِكَ لَا تُرَاعِ السُنَّةِ وَتُعْفِلُ عَنِ الْقُرْآنِ وَلَا تُرَاعِ الْقُرْآنِ وَتَغْفَلُ عَنِ السُنَّةِ فَكَثِيرٌ مِّنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ يَعْتَنِي بِالسُنَّةِ وَشُرُوحِهَا وَرِجَالِهَا وَمُصْطَلَحَاتِهَا اعْتِنَاءً كَامِلًا ولكن لو سألته عن آية من كتاب الله لرأيته جاهلا بها وهذا غلط كبير فلا بد أن يكون الكتاب والسنة جناحين لك يا طالب العلم وهناك شيء ثالث مهم وهو كلام العلماء فلا تهمل كلام العلماء ولا تغفل عنه لأن العلماء أشد رسوخا منك في العلم وعندهم من قواعد الشريعة وأسرارها وضوابطها ما ليس عندك ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على علمه وسعة اطلاعه إذا قال قولا لا يعلم به قائلا قال أنا أقول به فإن كان قد قيل به ولا يؤخذ برأيه ولهذا يجب على طالب العلم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويستعين بكلام العلماء. Donc le chef il dit, donc tu ne dois pas s'occuper seulement de la Sunna et négliger le Coran. Et tu ne dois pas non plus t'occuper seulement du Coran et négliger la Sunna. Il dit parce que plusieurs des gens qui recherchent la science, ils s'occupent par exemple de la Sunna et de son explication et de ces, par exemple, des gens qui ont rapporté les hadiths et aussi de la terminologie qui se rapporte au hadith et la science du hadith, et ils s'en occupent d'une façon vraiment complète. Mais si tu lui demandes à propos d'un verset dans le Coran, alors tu vois qu'il l'ignore, il ne connaît pas vraiment grand-chose de le Coran. Donc le cheikh dit ça, c'est une erreur, une grande erreur. Parce que il faut que le Coran et la Sunna soient pour toi comme les ailes d'un oiseau. Et les deux ailes, tu as besoin des deux ailes pour voler. Tu ne peux pas voler seulement avec un aile. Donc, tu ne peux pas prendre juste le Coran ou seulement la Sunna. Tu dois prendre les deux ensemble. Et il y a, le chef il a dit, il y a une troisième chose aussi qui est très importante, et c'est les paroles des savants. Il dit, tu ne peux pas négliger non plus les paroles des savants. Parce que sinon, tu risques d'avoir des erreurs dans ta compréhension. Et le chef il dit, les savants sont plus fermes dans leur connaissance que toi. C'est-à-dire, une personne qui est débutante dans la recherche de la science, il connaît beaucoup de choses, mais sa science est encore fragile, ou bien elle n'est pas encore assez ferme. Et donc, des fois, certaines questions peuvent s'échapper alors que les savants, eux, en connaissent les détails. Ils connaissent des fois certaines règles de la charia et certains principes très détaillés que beaucoup de gens ignorent et que toi tu ignores par exemple. Donc, donc le chef il dit justement, il est important toujours de retourner aux savants qui vont vérifier chaque question sur le sujet, puis qui vont essayer de trouver la vraie position. Et le chef, il donne l'exemple d'un savant qui qui était un des grands parents de l'islam, chef de l'islam de Mekhaïmiya, et malgré qu'il avait une science vraiment large et une grande science de l'islam, mais quand il disait quelque chose, et qu'il ne savait, et qu'il ne connaissait pas quelqu'un d'autre qui l'avait dit avant lui, il disait, voici mon opinion, mais si quelqu'un d'autre a parlé sur ça avant moi, alors je laisse mon opinion. Donc, je vais prendre son opinion à lui. C'est-à-dire, il ne voulait jamais mettre sa position à lui devant la position d'un savant qui avait vécu avant lui, s'il y avait une position qui était plus valable. Et le chef, il dit, donc il faut prendre le Coran et la Sunna, et il faut chercher aussi l'aide des paroles des savants pour nous aider à comprendre le Coran et la Sunna. Le chef il dit, والرجوع إلى كتاب الله يقول بحفظه وتدبره والعمل على ما جاء به، لأن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. C'est un verset dans Sourate Sad, le verset 29. Le chef il mentionne ce verset comme une preuve pour dire qu'on doit retourner au livre d'Allah et qu'on doit le mémoriser et méditer sur ce temps et aussi le mettre en application. Et ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est un livre qui t'est révélé au Mohammed et qui est béni pour que les gens méditent sur ces versets et pour que les gens qui ont la raison puissent se rappeler. يَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. Et le cheikh il dit, وَتَدَبَّرُوا الْآيَاتِ يوصل إلى فهم المعنى. يوصل إلى فهم المعنى وليتذكر أولو الألباب والتذكر هو العمل بهذا القرآن. Donc le cheikh il dit, يدبر آياته فسنفي. Quand Allah dit qu'il médite sur le sens de ces versets, il dit, méditer sur les versets, c'est ce qui t'amène à la compréhension de la signification. Et وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابِ dit le chef, il dit, le rappel dans ce verset, c'est l'application du Coran. Pourquoi? Parce que quand tu vas le mettre en application, c'est la meilleure façon de t'en souvenir. Quand tu appliques, c'est l'application. Donc le rappel, c'est vector. Donc, quand tu veux te rappeler du verset, ben, tu le mets en application, et dans ce cas-là, quand tu vas le mettre en application, à chaque fois, ça va être un rappel pour toi. Mais si tu n'appliques pas, qu'est-ce que tu sais? Tu l'oublies. Hein? Et donc, le chef après, il dit, نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ لِهَذِي الْحِكْمَةِ وَإِذَا كَانَ نَزَلَ لِذَلِكَ فلنرجع إلى الكتاب لنتدبره ولنعلم معانيه ثم نطبق ما جاء به ووالله إن فيه سعادة الدنيا والآخرة. مثل شيخ الزي الله سبحانه وتعالى في الزيك إلى غفلي القرآن فصد تجد لا donc alors on devrait essayer de retourner à ce livre pour essayer de méditer sur ces temps et pour connaître ses significations et pour l'appliquer aussi dans nos vies. Et il jure par Allah, le chef il dit, je jure par Allah que dans ce livre, il y a le bonheur dans cette vie et dans l'autre. Et il cite le verset suivant qui dit, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Le chef il dit, ce celui qui suit ma guidance, donc c'est le chef, il dit ce verset, dans lequel Allah dit, celui qui suit ma guidance, il ne va ni s'égarer, et il ne sera ni malheureux. Mais celui qui se détourne de mon rappel, alors il aura une vie misérable, et nous allons le ressusciter au jugement dernier, aveugle. Donc, ça c'est dans Surah Taha, le verset واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الشيخ يزيد ici, c'est très intéressant qu'est-ce que le chef dit, parce qu'il dit, on ne trouve personne avec l'esprit plus en paix, et avec la poitrine plus large, c'est-à-dire son cœur est en paix, il n'a pas de problème, il n'a pas de conflit intérieur, son cœur est serein, hein. Il dit, tu trouves personne plus serein que le croyant. Il dit, même s'il est pauvre, tu le vois en paix avec lui-même, en paix avec le monde. Et c'est une des personnes les plus sereines. Pourquoi? Justement à cause de sa foi. Et il cite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui agit, ou celui qui fait le bien, qu'il soit un homme ou une femme, et qu'il est croyant, alors nous allons le faire vivre d'une bonne vie. Nous allons lui faire vivre d'une bonne vie. Et nous allons les récompenser, nous allons leur donner la récompense pour le meilleur des œuvres qu'ils ont fait. Et le chef, après, il pose la question, il dit, ça c'est le verset dans Surat al-Nahl, le verset 97. Al-Nahl, c'est les abeilles, l'abeille. Le chef dit, « وَمَا هِيَ الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ » Il dit, c'est quoi la bonne vie dans ce verset? Le chef dit, « الجواب, الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ هِيَ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ وَطَمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ فِي أَشَدِّ بُؤْسٍ فإنه مطمئن القلب من شرح الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته شر ضراء شكر فكان خيرا له. Donc le chef il dit, c'est quoi la bonne vie? Il dit, la bonne vie, c'est avoir la poitrine large, c'est-à-dire la poitrine ouverte. Tu te sens pas à l'étroit dans ton cœur, et tu as la paix du cœur, la sérénité. Il dit, même si tu es dans la plus grande pauvreté, la plus grande misère matériellement, hein, mais ton cœur est en paix et tu te sens en sérénité. Pourquoi? Il a dit, c'est comme qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ajaban li amr al-mu'min, c'est-à-dire, regardez l'état du croyant, comme elle est étonnante sa situation, comme il s'étonne de l'état du croyant. Il dit, toutes ses affaires sont bonnes. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Tout ce qui a rapport avec le croyant, c'est bon. Et ça, c'est pour personne d'autre que le croyant. Non, c'est pour personne d'autre que le croyant. Si un mal l'atteint, si un mal l'atteint, il patiente, il endure. Et donc, c'est un bien pour lui. Et si un bien l'atteint, il remercie Allah. Et donc, c'est un bien pour lui. Donc, dans les deux cas, que ce soit un bien ou un mal qui l'atteint dans ta vie, c'est toujours, à la fin, quelque chose de bien, puisque si c'est quelque chose de mal, il endure, et ça, le fait qu'il soit patient et endurant, Allah le récompense, et lui efface le péché, donc ça c'est une bonne chose. Et si quelque chose de heureux l'atteint, eh bien, il remercie Allah. Donc, ça nous montre que, de toute façon, peu importe ce qui atteint un musulman croyant, eh bien, à la fin, il sera toujours gagnant, il est toujours bien, c'est toujours un bien pour lui. Même si demain on t'apprend que tu as le cancer, tu dis, je sais que ça vient d'Allah, je suis patient. Eh bien, pour un non-musulman, peut-être qu'il va dire que c'est quelque chose de mal. Il va peut-être même penser au suicide. Mais pour un musulman, il dit, Alhamdulillah, ça vient d'Allah, et il est patient, et il endure. Et à cause de ça, Allah lui efface ses péchés, et lui donne une récompense. Et si, par exemple, on va dire que demain tu reçois quelque chose de bien, on te dit, tu as une promotion dans ton travail, ou bien, c'est pas moi, tu gagnes une somme d'argent en héritage, quelque chose comme ça. Et bien, tu dis Alhamdulillah et tu remercies Allah. Et puis, ça, c'est un bien pour toi. Donc, dans les deux cas, que ce soit une chose qui soit bien ou qui soit mal, négative, et bien, pour le croyant, ça revient toujours au même. Et donc, le chef, il dit après, Al-Kafir, il va asabat al-darra, hal yasbir, fal jawab la, bal yahzan, wa tadiqu alayhi al-dunya. وربما انتحر وقتل نفسه ولكن المؤمن يصبر ويجد لذة الصبر انشراحا وطمأنينة ولذلك تكون حياته طيبة وبذلك يكون قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة حياة طيبة في قلبه ونفسه. الشيخ في Et le non-croyant, le mécréant, le kafir, lorsque un mal l'atteint, est-ce qu'il est patient? Le chef dit non. Il est triste. Et toute sa vie devient pour lui quelque chose d'étroit, serré. Et peut-être même qu'il va jusqu'à se suicider lui-même, à se tuer lui-même. Hein? Et on voit ça souvent, subhanallah. Quand un mécréant, que ce soit le fait que sa femme l'a laissé, ou qu'il a perdu son travail, ou qu'il a surtout le travail. Si beaucoup de mécréants, leur vie pour eux, c'est le travail. Et c'est ça le but fondamental de leur existence. Pour eux, c'est ce qui fait qu'ils sont des êtres vivants, humains. Mais s'ils perdent leur travail, pour eux, c'est la fin du monde, alors ils vont se suicider. Donc le chef, il dit, tandis que le croyant, il est patient. Et quand il patiente, quand il a une épreuve difficile dans sa vie et qu'il endure, il ressent une sorte de douceur là-dedans. Cette épreuve, cette difficulté devient pour lui quelque chose de plaisant presque. C'est incroyable. Mais ça vient lorsqu'il a la foi et lorsqu'il patiente pour Allah. Son cœur s'épanouit et il se sent en paix et en sérénité. Et c'est ça la bonne vie de laquelle Allah parle dans ce verset. La bonne vie. Subhanallah. Donc le chef dit après, « بعض المعرخين الذين تكلموا عن حياة الحافظ ابن حجر رحمه الله، فكان قاضي قضاة مصر في عهده، وكان إذا جاء إلى مكان علمه يأتي بعرضة تجر الخيول أو البغال في موكب. فمر ذات يوم برجل يهودي في مصر زياع، أي يبيع الزيت، وعادة يكون الزياع وسخ الثياب. فجاء اليهودي فأوقف الموكب وقال للحافظ ابن حجر رحمه الله: إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت قاضي قضاة مصر، وأنت في هذا الموكب وفي هذا النعيم، وأنا يعني نفسه اليهودي في هذا العذاب وهذا الشقاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أنا فيما أنا فيه من الطرف والنعيم يعتبر بالنسبة إلى نعيم الجنة سجنا، وأما أنت بالنسبة للشقاء الذي أنت فيه يعتبر بالنسبة لعذاب الجنة لعذاب النار جنة. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأسلم. Donc le chef, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte l'histoire, une histoire qui est arrivée à un des grands savants de l'islam, Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Alors le chef, il dit, un des historiens a rapporté à propos de la vie du Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, qui était le juge en chef de l'Égypte à son époque. Alors, Al-Hafiz ibn Hajar, il avait une sorte de char avec des chevaux qui le tirent avec une salance. Son char était tiré par des chevaux, il avait une belle voiture. Il était tiré par des chevaux et tout. Et donc, il dit, il y a un jour un juif qui vendait des olives, qui est passé à côté de lui. Et il dit, habituellement, les gens qui vendent les olives ont des vêtements sales à cause des olives. Alors, le juif est venu à lui et il a arrêté son char. Et il a dit au Hafiz ibn Hajar, votre prophète a dit, cette vie présente est la prison du croyant et le paradis du non-croyant. Et toi, tu es le chef des juges de l'Égypte, et moi, et toi, tu es le chef des juges de l'Égypte, et tu es dans cette monture ou dans cette voiture et dans cette bénédiction, alors que moi, je suis dans ce châtiment et dans cette misère. Alors comment on peut comprendre ça? Parce que c'est supposé être le paradis des non-croyants, mais là, toi, tu vis dans le luxe et tout ça. Donc le cheikh Ibn Hajar, il lui a répondu, il lui a dit, moi je suis dans ce luxe et dans cette bonté que j'ai, mais par rapport au bien du paradis et aux belles choses qui sont au paradis, ça n'a tellement pas de valeur que c'est comme une prison par rapport au paradis. Et toi, tu es dans ce malheur, dans cette vie, mais par rapport au malheur de l'enfer, c'est comme un paradis pour toi, en réalité. Donc le juif a dit, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté d'Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Et il a accepté l'islam. Donc le chef, il dit, pas le mu'minu fi khayrin, mahma kan. وهو الذي ربح الدنيا والآخرة، والكافر في شر وهو الذي خسر الدنيا والآخرة. Donc le chef dit, le croyant, il est dans un bien, peu importe qu'est-ce qui lui arrive. Et c'est celui qui a gagné et qui a profité de cette vie et de l'au-delà. Tandis que le non-croyant est toujours dans le mal et il a perdu la vie présente et l'au-delà. Et si on regarde l'exemple de qu'est-ce que Al-Hafiz ibn Hajar, l'histoire du Hafiz ibn Hajar, il y a aussi aujourd'hui des musulmans qui disent l'exemple contraire de ça. Par exemple, comment ça se fait que, par exemple, aujourd'hui on voit que les musulmans ils ont plein de problèmes économiques, politiques et tout ça, les troubles qui se passent dans nos pays, et que les non-musulmans, eux, ils ont un développement économique et tout ça, et ils ont plus de facilité que nous. Et puis, il y en a qui voient ça et qui commencent à trouver que c'est pas logique. Étant donné qu'on a la vérité, comment ça se fait que nous, on n'est pas dans cette situation? Et puis, la réponse à ça, c'est clair, c'est que, en fait, si on est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on applique ses ordres, c'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous mettre à notre place qu'on mérite. Parce qu'il a créé cette dunya pour les croyants. Mais étant donné qu'on n'a pas respecté notre devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est comme une sorte de punition que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le but de nous faire revenir. Hein? Parce que dans l'état où on est actuellement, on est puni à cause de nos péchés, pas à cause d'autre chose. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant actuellement les premiers ennemis de l'islam sortent des pays musulmans. Ils ne sortent pas des pays des non-musulmans. Les premiers qui sont en train d'attaquer la charia actuellement sont des gens qui sont nés dans les pays musulmans, dans les familles musulmanes. Et c'est eux les premiers à critiquer et à attaquer l'islam. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est injuste envers nous? Ou bien c'est nous-mêmes qui sommes injustes envers nous-mêmes? Donc, c'est une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans une ayah dans le Coran, il dit « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » Ça veut dire le désordre est apparu sur la terre et sur la mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquis. À cause de ce que les hommes ont fait de mauvaises œuvres. Alors le désordre est apparu et ça c'est pour nous faire goûter seulement une partie de ce qu'on a fait en réalité. Parce qu'on mérite beaucoup plus que ça de châtiment. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut juste nous faire goûter un peu du mal, du désordre qu'on est en train de faire pour qu'on revienne au bon chemin. Et en même temps, on doit se rappeler que c'est pas vrai que les koufars ou les non-musulmans sont seulement dans le bien. Parce que à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait tomber des châtiments, leur fait tomber des malheurs, des désastres, des choses comme ça, à chaque fois. Pour les faire rappeler eux aussi qu'ils sont seulement des créatures, qu'ils sont seulement créés par Allah et qu'ils doivent retourner eux aussi à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a pas un Dieu pour les croyants et un Dieu pour les mécréants. Il y a un Dieu pour tout l'univers et c'est le même. Donc, on doit tous, peu importe, même les non-croyants, leur responsabilité, leur devoir, c'est de croire en Allah et de se soumettre à lui, d'accepter l'islam. Et pour nous, les musulmans, qui avons déjà témoigné de l'islam, c'est d'être sincères envers notre témoignage et de revenir à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Et donc, après le cheikh dit, « قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. » Donc, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, par le temps, certes, l'homme est en perte. Sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres et qui se sont encouragés mutuellement dans la vérité et qui se sont encouragés mutuellement dans la patience et dans l'endurance. Donc on voit dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a incité, il a montré l'importance de faire les bonnes œuvres et de s'encourager dans la vérité et dans la patience. Et le cheikh il dit فالكفار الذين أضاعوا دين الله وتاهوا في لذاتهم وترفهم فهم وإن بنوا القصور وشيدوها وازدهرت لهم الدنيا فإنهم في الحقيقة في جحيم. حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. شيخ يزيد لم يزيد الكفار كي laissé tomber la religion d'Allah et qui se sont laissés tomber dans leurs désirs, leurs plaisirs et leurs luxures, et qui ont bâti les palais, et pour qui la vie présente est remplie de belles choses, et bien malgré l'apparence qu'ils ont d'être dans un bonheur dans cette vie, et bien la réalité c'est qu'ils sont dans une sorte d'enfer à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur cœur. Et si on connaît la réalité justement de ce qui se passe dans leur cœur, beaucoup de gens comme ça qui sont célèbres, qui ont de l'argent, qui ont beaucoup de biens, on ne connaît pas les détails de leur vie, on voit seulement l'apparence à l'extérieur dans les journaux, dans la télévision, des choses comme ça. Mais si on connaît la réalité de ce qu'ils vivent, de problèmes personnels, que ce soit avec la drogue ou que ce soit avec d'autres situations qu'ils ont dans leur vie, on pense à l'extérieur qu'ils sont heureux alors qu'en réalité ils sont très très très malheureux. Hein? Donc c'est pour ça. Parce que c'est la mort. Parce que lorsqu'ils pensent à la mort, ils sachent qu'un jour ils vont mourir, ils laissent tout. Non, c'est ça. Tout être humain, peu importe son statut, sa situation, sa richesse, il est face à une réalité, et la réalité c'est la mort. Comme le frère a dit, si la mort est... Quand on s'assoit quelques minutes juste pour réfléchir un peu à la réalité de la mort, qu'on va tous mourir un jour, qu'est-ce qu'on a fait? Où on s'en va? C'est ce qui arrive, et c'est pourquoi beaucoup d'entre les gens boivent de l'alcool et prennent de la drogue, justement pour oublier ces réalités, hein, pour arrêter d'y penser, parce que s'ils y pensent, ils retournent encore dans leur misère intérieure, dans leur malheur, dans leur jahim, comme le chef il a dit. Et le chef il a dit après, quelques-uns parmi les salafs, les prédécesseurs, ils disaient, si les rois savaient, si les rois et les fils de rois savaient ce que nous on a comme bonheur dans notre cœur, ils nous auraient frappés avec les épées pour l'avoir. Mais, étant donné que c'est quelque chose qui est caché dans le cœur, ils ne peuvent pas le savoir, et donc à cause de ça, ils pensent que le vrai bonheur, c'est d'avoir acquéré beaucoup de biens dans cette vie, d'avoir beaucoup de luxure et tout ça, et alors qu'ils passent en réalité à côté totalement de qu'est-ce qui est le vrai bonheur. Le chef dit « وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَقَدْ نُعِمُوا بمناجاة الله وذكره وكانوا مع قضاء الله وقدره فإن أصابتهم الضراء صبروا وإن أصابتهم السراء شكروا فكانوا في أنعم ما يكون بخلاف أصحاب الدنيا فإنهم كما وصفهم الله بقوله فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Subhanallah. Chers étudiants, en ce qui concerne les croyants, ils ont été bénis, ils ont été remplis de bien parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés dans le Coran. À chaque fois, on entend Ya ayyuhal ladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les croyants. Donc, ça veut dire à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il les appelle les croyants. Et il les rappelle, ces gens-là. Donc, ça rend les croyants heureux d'entendre Allah subhanahu wa ta'ala les appeler. Et donc, ils restent toujours conscients de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque bien les atteint, lorsque mal les atteint, ils sont patients. Et lorsque un bien les atteint, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme, par exemple, quelqu'un arrive à faire, par exemple, à l'école, on va dire qu'il a des examens, il réussit avec un bon résultat, il dit « Ah, c'est par moi-même que j'ai réussi ça, parce que je suis intelligent. » Donc, il ne remercie même pas Allah. Donc, ça c'est la différence entre le croyant et le non-croyant. Le non-croyant, il pense que tout vient de lui-même, il n'a pas besoin d'Allah. Et le croyant, quand il y a un bien qu'il atteint, il dit Alhamdulillah. Il remercie Allah. Il se prosterne devant Allah. Donc, le cheikh, il dit, à cause de ça, ils sont dans la plus grande des jouissances, la plus grande le plus grand des bonheurs. Contrairement aux gens qui aiment la dunya seulement. Allah les a décrits d'une façon. Il a dit, comme Allah a dit dans cette ayah, dans Surah Tawbah, le verset 58, lorsqu'on leur en donne, ils sont satisfaits de l'argent. Lorsqu'ils ont de l'argent, ils reçoivent de l'argent ou quelque bien, ils sont satisfaits. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Et si on ne leur en donne pas, comment t'as critiqué? Comment t'as critiqué la religion? Il y a beaucoup de musulmans comme ça. Subhanallah. Et même, il y a beaucoup de gens, vraiment, subhanallah, quand un bien leur arrive à cause de l'islam, ils disent, ah, ça c'est une bonne religion. Et quand un mal les arrive à cause de l'islam, ils disent, ah, ça c'est pas une bonne religion. Parce qu'ils sont dans la religion pour l'argent. C'est une question pour eux de matériel. Alors, ce qu'on a il a décrit déjà comme ça dans le Coran. Quand ils acceptent l'islam, quand ils ont un bien qui les touche, alhamdulillah, la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la vraie religion. Et quand ils avaient un problème, une épreuve, ou quoi que ce soit, ils parlent pour pas être confus. La religion-là n'est pas bonne. Et de nos jours, il y a beaucoup de gens comme ça. Quand tout va bien dans l'islam, il n'y a pas il n'y a pas de fitna, il n'y a pas d'épreuve. Là, tu vois tout le monde, mashallah, un musulman. Et là, il s'en va à la mosquée fière. Depuis qu'il y a une petite épreuve, là, on voit les gens aller se cacher. Bien. Il dit, je ne veux pas que les gens sachent que je suis musulman, sinon je vais avoir des problèmes. Ok. Ça, c'est on voit comment l'attitude de certains. Cheikh dit, وأما الرجوع إلى السنة النبوية فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة بين أيدينا ولله الحمد ومحفوظة حتى ما كان مكذوبا على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أهل العلم بيّنوا سنته وبيّنوا ما هو مكذوب عليه وبقي في السنة ولله الحمد ظاهرة محفوظة يستطيع أي إنسان أن يصل إليها إما بمراجعة الكتب إن تمكن وإلا ففي سؤال أهل العلم. الشيخ يقول en ce qui concerne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est là entre nos mains, alhamdulillah, elle a été préservée, et même qu'est-ce qui a été fabriqué ou qu'est-ce que les gens ont inventé à propos contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui ont fabriqué des paroles en son nom, alors même ça, ça a été préservé pour qu'on soit capable de les distinguer, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Hein? C'est pas comme si, par exemple, on peut mettre la main seulement sur qu'est-ce qui a été préservé, qu'est-ce qui est vrai seulement. Même les choses qui ont été rajoutées, qui ont été fausses, on les a encore pour être capable de distinguer entre les deux. Et après, il a dit, les gens du savoir, les ulama, les savants de l'islam, ils ont fait la distinction, ils ont clarifié qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était un mensonge. Et la sunna, elle a resté préservée, alhamdulillah. Et tout le monde est capable d'avoir accès à ces livres. Et si c'est pas possible pour quelqu'un d'aller au livre directement, alors ils peuvent toujours demander aux savants de l'islam. الشيخ يقول ولكن إذا قال قائل كيف توفق بين ما قلت من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع أننا نجد أن إنسانا يتبعون مع أن أناسا يتبعون الكتب المؤلفة في المذاهب ويقول أنا مذهبي كذا وأنا مذهبي كذا وأنا مذهبي كذا حتى إنك لتفتي الرجل وتقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيقول أنا مذهبي حنفي أنا مذهبي مالكي أنا مذهبي شافعي أنا مذهبي حنبلي وما أشبه ذلك. فالجواب أن نقول لهم إننا جميعا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ قال العلماء معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. فإذا قال إنسان أنا مذهبي كذا أو مذهبي كذا أو مذهبي كذا فنقول له هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تعارضه بقول أحد. الشيخ يزيد Mais qu'est-ce qu'on dit par exemple si quelqu'un nous demandait, par exemple, on voit que maintenant le chef il dit, vous devez retourner au Coran et à la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on voit qu'il y a certaines personnes qui suivent des livres de certains madahib. Hein? Par exemple, il y a dans le passé, il y a eu des grands savants de l'islam. Et quand on allait leur demander des questions sur l'islam, comment faire la prière, comment faire le jeûne, comment faire le hajj, comment faire le salat, comment faire n'importe quelle question dans l'islam, on allait poser des questions à ces ulama et eux, ils répondaient selon qu'est-ce qu'ils avaient appris du Coran et de la Sunna. Et ils répondaient selon leur savoir et leurs élèves écrivaient leurs réponses. À chaque fois que quelqu'un leur posait des questions, eux, ils répondaient et les élèves de ces ulama, ils prenaient une plume avec de l'encre et ils écrivaient tout ce que leur chef disait à propos de ces choses-là. Après la mort de ces grands savants, ces élèves avaient recueilli une grande quantité de réponses de leur chef, qu'est-ce que leur professeur avait dit. Et ces connaissances, ces paroles ont été rassemblées dans des livres et avec le temps, c'est devenu une sorte de, comme on appelle, madhab, c'est-à-dire les opinions de ces savants-là. Et donc, il y a des gens qui ont dit, on va se baser sur ça pour comprendre l'islam. D'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé après? C'est que, peut-être que, le chef, lui, il a répondu selon sa connaissance à lui. Mais bien entendu, ce savant-là, il n'a pas la connaissance de tous les hadiths. Et sa compréhension est limitée. Peut-être qu'un autre savant dans un autre pays a entendu certaines références, certaines preuves que ce savant-là, lui, ignorait. Donc, lui, quand on lui a posé la question sur l'islam, sur un sujet, lui, il a répondu autrement. Et ses élèves ont marqué sa réponse. Alors là, quand il y a deux réponses différentes qui ne sont pas en accord l'une avec l'autre, il y a un problème. Lui, il a répondu ça, l'autre a répondu une autre chose. Alors c'est ce que le cheikh ici, il essaie de nous faire comprendre, il a dit, on remarque qu'il y a des gens, quand on leur parle, ils nous disent, ah, moi mon madhab, c'est tel madhab. Oh, moi c'est celui-là, moi c'est celui-là, moi c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il y a des gens, quand tu leur parles et tu leur dis, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit telle chose. Lui, il te répond, mais moi je suis Hanafi. Je suis le madhab qui est attribué à l'imam Abu Hanifa. L'autre, il va te dire, moi je suis Maliki. Je suis le madhab qui est attribué à l'imam Malik ibn Anas. L'autre, il dit, le madhab, c'est le madhab al-Shafi'i. Donc, il prétend suivre le madhab qui est attribué à l'imam al-Shafi'i. Et l'autre, il dit, je suis le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Je suis Hanbali. Hein? Et ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est normal que lorsqu'on dit à quelqu'un, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا la personne te répond ana hanbali ou maliki ou shafi'i. Est-ce que ça fait du sens? Le cheikh il a dit qu'est-ce qu'on répond à cette personne? On répond la chose suivante. Nous disons tous ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Et qu'est-ce que ça signifie ashhadu anna muhammadar rasulullah? Le cheikh il dit voici ce que les savants ont dit de la signification de Muhammadur Rasulullah. Voici ce que les savants ont dit de la signification de Muhammad. Je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Ça signifie de l'obéir dans ce qu'il a ordonné. Il y a 4 points. Ça c'est le premier. De l'obéir dans ce qu'il nous a ordonné. Ça c'est la première signification de Muhammad Rasulullah. Ta'atuhu fima amar. Deuxième, tatbiquhu fima akhbar. De croire en lui dans ce qu'il nous a dit. Tout ce qu'il nous a informé, on doit y croire. Ça c'est le deuxième. Le troisième, وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرُ. De s'éloigner de ce qu'il nous a interdit et de ce qu'il a recommandé. Ça c'est le numéro 3. Et le quatrième, وَأَنْ لَا يُعْبَدُ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Le quatrième est qu'on ne doit pas adorer Allah que par ce qu'il nous a enseigné ou légiféré dans la religion. On ne peut pas adorer Allah d'une autre façon que celle enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la définition de Mohammed Rasulullah. Le quatrième, que tu ne dois adorer Allah que par ce qu'il a légiféré, par ce qu'il a enseigné lui-même. Après, le chef il dit, donc, فَإِذَا قَالَ إِنْسَانٌ أَنَا مَذْهَبِ كَذَا أَوْ مَذْهَبِ كَذَا أَوْ مَذْهَبِ كَذَا فَنَقُولُ لَهُ هَذَا قَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَا نُعَارِضُهُ بِقَوْلِ أَحَدٍ. Donc, quand la personne te dit, moi, mon madhhab, c'est tel madhhab, ou tel madhhab, ou tel madhhab, toi, tu dois lui dire, voilà la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il n'est pas permis de contredire sa parole pour la parole de quiconque. Le chef a dit ça. Après, le chef il dit حتى أئمة المذاهب ينهون عن تقليدهم تقليدا محضا ويقولون متى تبين الحق فإن الواجب الرجوع إليه. Le chef il dit même les imams auxquels ces madhahib sont attribués, eux-mêmes ils interdisaient aux gens de les suivre aveuglément. Ils interdisaient eux-mêmes aux gens de les suivre aveuglément. Et ils disaient, lorsque vous trouvez la vérité, l'obligation c'est de le suivre. Hein? Beaucoup d'entre eux ont dit, il va صح الحديث فهو مذهبي. Beaucoup d'entre eux ont dit, si le hadith est authentique, c'est mon madhhab, c'est mon opinion, c'est ma position. C'est ce que vous devez suivre. Laissez tomber ma position et suivez le hadith. C'est ce que les imams ont dit. Le cheikh après dit, فَنَقُولُ لِمَنْ عَرَضَنَا بِمَذْهَبِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ نَحْنُ وَأَنْتَ نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وتقتضي هذه الشهادة أن لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, celui qui te contredit, donc celui qui contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par son madhab, ou par le madhab de quiconque, alors on doit lui dire, toi et moi, nous deux, nous témoignons que Muhammad est le messager d'Allah, et ce témoignage, il implique qu'on doit suivre personne d'autre que lui. وهذه السنة بين أيدينا واضحة جلية ولكن لست أعني بهذا القول أن نقلل من أهمية الرجوع لكتب الفقهاء وأهل العلم وإن كان الرجوع إلى كتبهم للانتفاع بها ومعرفة الطرق التي بها تستنبط الأحكام من أدلتها من الأمور التي لا يمكن أن يحقق طالب العلم أو يحقق طالب العلم إلا بالرجوع إليها. ولذلك نجد أولئك القوم الذين لم يتفقهوا على أيدي العلماء نجد أن عندهم من الزلات شيئا كثيرا، لأنهم صاروا ينظرون بنظر أقل مما ينبغي أن ينظروا فيه، يأخذون مثلا صحيح البخاري فيذهبون إلى ما فيه من الأحاديث، مع أن في الأحاديث ما هو عام ومخصص ومطلق ومقيد وشيء منسوخ، لكنهم لا يهتدون إلى ذلك فيحصل بذلك ضلال كبير. الشيخ الدين la sunna elle est entre nos mains et elle est claire, mais cela ne signifie pas qu'on doit aussi négliger l'importance du retour aux livres de fiqh qui existent, qui ont été écrits par les savants de l'islam. Il dit, si on retourne à ces livres, c'est dans le but d'en profiter et de profiter de la connaissance qu'il y a dans ces livres, de la façon dont les savants ont été capables d'extraire des versets les règles de la charia, les règles de la loi religieuse, à partir des preuves. Et ça, il y a beaucoup de choses dans, il y a beaucoup de choses que les élèves ou les gens qui recherchent le savoir ne sont pas capables de trouver par eux-mêmes. Souvent, ils ont besoin de se référer aux œuvres des savants qui sont venus avant et qui possédaient plus de connaissances, plus de compréhension. Et donc, le cheikh dit, on voit beaucoup de gens, par exemple, qui n'ont pas cherché la connaissance aux mains des savants de l'islam, on voit que parfois ils font de graves erreurs à cause de ça, parce qu'ils veulent être trop indépendants des savants. Et donc, ils vont par exemple aller dans un livre comme le livre de Sahih al-Bukhari, et ils prennent un hadith dans Sahih al-Bukhari, et ils commencent à l'appliquer, sans savoir les règles qui s'appliquent à ce hadith. Est-ce que c'est un hadith général? Ou est-ce que c'est un hadith spécifique pour une règle en particulier? Est-ce qu'il est mutlaq? Est-ce qu'on doit le prendre au sens général ou au sens restreint? Est-ce qu'il est abrogé ou non? Donc, on va arrêter maintenant pour que le frère fasse le adhan, inshallah, et puis on va continuer la semaine prochaine, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.